acoustique. Imprimé sur la rétine, les images restent à vif malgré les années qui passent. Le plus dur reste à vivre, défoncé par la résine. Entrevoit parfois les signes d'un impact sur un vinyle, d'un visage dans une vitrine. Les médias, les politiques, les peuples manipulent. Les numéros de sécu deviennent numéros de matricule. Tout se passe sous nos yeux, tu n'oses pas le voir. Ce qu'on te montre est illusion, y'a qu'en toi-même que tu peux croire. La misère est dans nos rues et dans toutes celles du monde, à des échelles différentes entre Mogadiscio et Londres. Arpente nos quartiers sombres, éclairés à la chandelle, vision nocturne. Ce soir la nuit me paraît plus belle. Dans un dernier éclat, la lune, les étoiles s'effacent. Un nouveau jour des putes, je suis sur le banc de la rue d'en face. J'observe et je dactylographie les images que j'ai stockées dans ma nouvelle biographie. Imprimé sur la rétine. J'observe le monde qui nous entoure. Imprimé sur la rétine. Posté là sans un geste, attentif, je regarde la scène, comment tourne le monde, c'est impossible de s'enlacer. En marche, j'ai pris du recul, pris le large, j'ai pris de l'âge, pas de cri de joie, car j'écris de rage. Je regarde pour voir ce qui se passe à droite, je vois des larmes, les responsables disent ne pas savoir sur ce qui se passe et même pourquoi. Fourbés même sur moi, ils s'en foutent de toi au moins, capable de salir ta mémoire. Je regarde à gauche, c'est un peu la même chose. On attend que tu te retournes pour te foutre dans le chaudron. Ça part de changement, en plus on te promet. Mais les appartes là-bas restent blindés comme le tromé. Si je l'ai vu, vas-y toi aussi regarde. N'hésite pas, informe-toi, la connaissance a pris du retard. Les sales cons ont pris du poids, les escrocs montent en grade. Les vrais n'ont plus de voix, j'espère que moi on m'entendra. Imprimé sur la tchine. Trois coins du globe, de Tétouana, Tijuana. Street reporter avec des spliffs de marijuana. Ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure. Ouvre ta porte, j'ai des nouvelles fraîches d'en bas des tours. Ici rien ne change, entre chroniques et faits divers. Expulsion, arrestation, saisie des douanes qu'on incinère. Téléobjectif, écoute téléphonique. Arme lourde, drogue dure à la une chez les flics. Tout ce qui est analysé se raconte sur un coin de table. J'écris ça sans savoir quand le moment se pointera. De parler de plus de 20 ans d'observation dont j'ai fait ma formation. Ignorant leur information, journaliste à mon échelle, j'observe leur programme, retranscrit dans mes effets, les images qui se propagent d'ici à là, aux quatre coins du monde. Lorsque nos cerveaux débordent, c'est nos cahiers qu'on inonde. Imprimé sur la